Alors. Ouais, 4. Ouais. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'en sorcelle. La scène, la scène, la scène. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sous, Paris est sous. La scène, la scène, la scène. Je ne sais, je sais, je sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi. Je ne sais, je sais, je sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La scène et moi. Lucille, quand tu es sûr, la scène, la scène, la scène. Extravagante, quand l'ange est sûr, la scène, la scène, la scène. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. Sur ce point.